Ah, Jean-Luc Godard ne vous a pas trahi, il est là. Je dois vous dire que Jean-Luc n'aime pas beaucoup ce film. Mais si vous avez des questions à poser, vous avez les micros en haut, il faut les poser en haut. Et alors, comme Jean-Luc reviendra ici tous les soirs après le deuxième film, donc il sera avec nous demain soir, vendredi soir, samedi, dimanche. Alors, soyez gentil, comme il a voyagé beaucoup dernièrement de Mozambique ou je ne sais pas où au diable, jusqu'à Montréal. Alors, on va peut-être se limiter ce soir, ne posez pas toutes les questions que vous voulez lui poser. Alors, disons une heure, alors on accepte ça. Alors, la première question, il est à votre disposition. Oui, oui, il y avait une jeune fille enceinte là qui vient de partir. Oui, vas-y, allez-y là-bas. Alors, Jean-Luc Godard, pourquoi n'aimez-vous pas ce film? Je sais que je vous laisse parler. Vous avez des choses à dire, peut-être. Non, mais je trouve que ça ressemble à un film de Truffaut. Et j'aime pas que j'aime plus beaucoup aujourd'hui. Et puis j'ai revu, je crois, il y a 7-8 ans, puis j'étais... Enfin, je sais pas, c'est un film un peu, je crois, pleurnichard, un peu bêta, où je me rends pas très bien compte ce que je voulais faire à l'époque. Je crois que je trouve très, très faible et très, très mou. Ça aurait peut-être pu... Enfin, moi, je sais pas faire des histoires comme ça, raconter des... Et je crois que ce qui m'avait vraiment intéressé à l'époque, c'est le premier film qu'on a fait que j'ai fait comme producteur. Et je me dis aujourd'hui que puisque j'avais fait un effort pour produire, pour pas être metteur en scène seulement et produire, donc forcément l'originalité d'être producteur à ce moment-là en France, et de ne pas rester simplement metteur en scène ou artiste salarié, mais de vouloir parler à égal avec un producteur, je pense que ça va amener en compensation beaucoup de faiblesses dans le film. Alors, suivant. S'il n'y a plus de questions, c'est terminé. Alors, je vous remercie. Alors, je ne sais pas. Pour poser une autre question, il y a beaucoup de choses à dire. Je me souviens d'avoir vu ce film il y a très longtemps, probablement vers 65, 66. Votre dernier film, quel film vous avez produit? À partir de quand? 68 À partir de ce film-là, ce film faisait partie d'un double contrat avec la Columbia. Il a été fait quasiment en même temps que la femme mariée. Je m'en souviens plus très. Je crois que ça devait être vers 64, 65, 63, je ne sais pas. Oui. Alors, vous dites vous n'aimez pas ce film parce qu'il ressemble à un film de Truffaut que vous n'aimez pas tellement maintenant, je comprends ça aussi. Mais il y a eu un changement dans votre production à partir d'une certaine époque, 68. Est-ce qu'il y a eu une brisure? Oh non, pas du tout. Moi, j'ai toujours fait deux ou trois films par an. On a plus fait à partir de 68, essayer de faire des films pour la télévision. Je trouvais plus intéressant comme rapport de création et de travail d'avoir affaire à des institutions ou à des systèmes de production plus grands ou même à des gouvernements comme ça a été le cas pour le film que nous avions tourné Gorin en Palestine, vous verrez je crois dimanche, qui s'appelle Ici ailleurs. Non, il y a eu, je sais pas ce que vous entendez par brisure. Moi, j'ai toujours fait des... Enfin, à partir de l'âge de 30 ans, je me suis mis à réaliser des films. Et puis, jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrêté. Non, j'accepte seulement les questions au micro parce qu'on met ça sur vidéo. Et c'est un professeur de cinéma, Jean-Luc. Pourquoi assister à une rétrospective des films que vous n'aimez plus? Et c'est dans quel but que vous faites cette intervention dans la vie culturelle et politique du Québec? Ben ça, la rétrospective, c'est pas de ma responsabilité, de même que les gens qui viennent au cinéma, là, c'est pas moi qui les pousse. Pourquoi je suis venu là, ici? C'est pour discuter avec le Conservatoire d'art cinématographique qui m'a fait une proposition, et on est venu discuter. Moi, je suis venu discuter cette proposition en profitant à l'occasion de cette rétrospective de voir un peu ce que c'était que le cinéma à Montréal. La proposition était de faire des cours de cinéma et de télévision au Conservatoire d'art cinématographique pendant l'année, je crois, la prochaine année scolaire. Et c'est pour ça que je suis venu. Et puis pour un professeur de cinéma qui fréquente le conservatoire, il devrait savoir que ce n'est pas Jean-Luc Godard qui a préparé cette rétrospective, c'est moi qui lui ai proposé, comme toutes les autres manifestations ici. Et le reste de votre question est complètement stupide. Moi, je voudrais demander... Monsieur Godard, si vous faites vos films pour un public particulier? Non, je crois pas. Je crois pas. Enfin, pour un public particulier, pour lequel pourrais-je faire en particulier? Bon, j'ai aucune idée. Ouais, je sais pas. Ça rejoint peut-être une question plus globale. Comment vous voyez votre vision du cinéma? Si vous pensez que ça peut être... Je vous connais pas tellement, mais les films que j'ai vus cette semaine... Mais pas dans celui-là, mais j'ai vu La femme mariée, puis j'ai cru voir des questions sur la société. Puis, disons, ça peut amener des réponses, puis c'est peut-être un peu intellectuel, finalement. C'est-à-dire, est-ce que vous adressez peut-être pas à un public un peu intellectuel? Puis, si finalement, est-ce que vous voyez pas votre cinéma comme un objet de changement, ou je sais pas, quelque chose du genre? Oui, je pense, disons que j'ai toujours été... Enfin, j'ai regretté que, disons, que le cinéma dit spectacle soit fait de telle manière qu'il ne peut que s'appauvrir ou appauvrir ceux qui les voient à la longue, parce que si on savait en faire comme on savait en faire du reste, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plutôt envie d'essayer, pour m'y retrouver un peu, d'étudier un peu l'histoire du cinéma, voir comment ça s'est fait exactement et à la suite de quoi, car à des moments... Moi, j'aimerais bien faire à des moments, simplement raconter une histoire, mais je pense qu'on ne sait pas, que ceux qui le font ne savent pas, mais qu'il y a un tel système dans la société qui croit qu'on leur raconte quelque chose. Y a vraiment une super... La télévision a porté ça à un summum, à la fois d'efficacité et d'escroquerie, puisque... Enfin, on donne aux gens ce qu'ils ont envie, en plus on les fait payer, et en plus encore aujourd'hui on leur donne rien. Donc c'est vraiment... Enfin. Donc alors le public, je sais pas, au début effectivement on nous a toujours dit vous vous moquez du public ou vous n'en tenez pas compte. Je vois absolument pas comment est-ce qu'on pourrait honnêtement tenir compte de gens qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne voit pas. Moi, je crois que, je ne sais pas, des footballeurs ou des sportifs connaissent un peu mieux leur public, qui est beaucoup plus précis que des gens de cinéma qui, C'est comme vous envoyez une carte postale, vous ne savez pas qui va la lire. Vous savez qu'on va la lire, peut-être. Vous le savez d'après des résultats financiers, puisque cette carte postale est vendue ensuite. Donc moi, j'ai toujours dit, par provocation au début, par rapport à des gens qui, ça me semblait malhonnête, de dire, moi, je me préoccupe du public. Comment est-ce qu'on peut, un Français, comment est-ce qu'il peut se préoccuper d'un public aux Philippines, en Chine, ou à San Francisco, ou en Italie? Bon, j'ai plutôt dit, je m'en fiche. Alors, ce qui me semblait plus honnête, qui est à dire, mais je n'ai pas les moyens, ni intellectuels, ni quoi que ce soit. J'espère que ce que je fais est au moins honnête vis-à-vis de moi. Et donc, s'il y a des gens honnêtes qui le voient, bon, ben, ils le jugeront honnêtement par rapport à eux. Il me semble qu'aujourd'hui, on peut, des films qu'on a faits qui sont peut-être plus difficiles, qui sont plus vraiment des essais ou comme des éditoriaux dans les journaux ou des plus longs articles dans les revues, mais je trouve plus intéressant en film parce que ça mélange du langage et ça mélange des images et l'un peut aider l'autre. Je pense que certains des films peuvent toucher, disons, d'après, je sais pas, ayant vécu un peu, peuvent toucher un certain public. Un certain public, moi je ne dirais pas, alors c'est pas du tout un public qui est classé par catégorie sociale, c'est pas forcément un public plus d'ouvriers que d'intellectuels. Il se trouve que peut-être certains intellectuels vont plus au cinéma, ou peut-être les ouvriers vont plus au cinéma, je sais pas ça, mais je dirais plutôt qu'on les... Je pense qu'on peut les toucher à un certain moment de leur journée, par exemple. C'est en ça que j'estime que par rapport à un film comme ça, où je ne savais pas à qui je parlais, aujourd'hui, je pense, j'ai envie de toucher un certain moment ou un certain endroit de gens. Alors, quels gens? Ben, disons des gens qui ont des problèmes, qui ont envie de changer, qui n'y arrivent pas à changer. Peut-être un moment simplement changer son salaire, ça peut être aussi changer de femme, ça peut être aussi changer de gouvernement, enfin des choses comme ça. Et je pense qu'à un moment donné, si je fais un film qui étudie le changement, eh ben j'arriverai à toucher, enfin j'y arriverai, je ne cherche pas, mais j'ai besoin car je sais que ces gens existent parce que j'en lis. Donc à des moments, c'est une manière de correspondre. J'entends des nouvelles de gens ou des gens qui bougent ou qui font quelque chose, et puis moi-même, bon, bah, je participe à ça de cette façon-là. Je me souviens que sur le film Tout va bien, avec Gorin, on s'était dit, c'est la seule fois où on s'est dit quelque chose, on va faire un film, on va faire ce film pour les 100 000 personnes qui étaient à l'enterrement de Pierre Auvernet, qui était un militant d'extrême gauche de l'époque, qui avait été tué en distribuant des tracts aux usines Renault. Et puis il y avait eu un... Et puis à l'époque où est sorti le film, qui n'a pas marché du tout, et ça s'expliquait parce que ces 100 000 personnes-là qui... Bon, ben, deux ans après, la lutte est plus exactement pareille, puis chacun avait disparu dans son coin. Et puis alors la manière dont le cinéma est organisé très régulièrement dans certains endroits précis fait qu'effectivement, on n'a aucune chance de toucher même quelqu'un qui cinq minutes s'intéresserait à vous. Et moi, je pense que les trois quarts des moments où on me dit vos films sont intellectuels ou je ne sais pas quoi, ça, ben, je tombe juste sur le moment où la personne n'a pas envie d'être intellectuelle à ce moment-là. Mais qu'elle soit patron ou manœuvre, il y a un moment, enfin, l'intellectuel, ça... Ça existe autant que le manuel. Voilà. Has the film called Till Victory, which you made in Lebanon and Jordan in 1970, been released, and why did you make it? Le film qu'on avait appelé Jusqu'à la victoire, en fait, c'est un film qui passe dimanche ici, qui dure une heure et qui s'appelle Ici et ailleurs. Et bah, peut-être vous le verrez dimanche. Et du reste, c'est un film qu'on a tourné avec Jean-Pierre Gorin, surtout lui, du reste, qui a tourné en 1970 en Jordanie, Syrie et Liban. Et puis après, qui n'a jamais été fini, puis que moi j'ai repris avec mon associé à son image, Anne-Marie Miéville, et qu'on a terminé en 75. Et le principe du film, c'est de dire justement en 70, ce film s'appelait Victoire, aujourd'hui il s'appelle juste ici ailleurs. Et puis le sujet du film, c'est du reste. Enfin, je ne peux pas l'expliquer comme ça. Ok. Il y a une de vos autres phrases qui a été citée dans le livre Godard sur Godard qui parle de la caméra Mitchell et la façon que de tourner un film avec un caméra 35, caméra Mitchell, ça te donnait le feeling de vraiment faire du grand cinéma. Et c'est la phrase qui m'a toujours frappé un peu comme amusant. Mais en regardant Masculin Féminin hier soir, en le copie qui était présenté ici, j'ai vu le film d'une façon tout à fait différente que j'avais vu avant, je pense, parce que c'était un copie 35, je ne suis pas sûr. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez ça encore avec les changements de les conditions de votre travail en 16 ou Super 8 et en vidéo? Pour vous, c'est plus nécessaire d'avoir un caméra 35. Est-ce que c'est encore vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ça fait une différence à le film que tu fais et aussi aux conditions de travail qui te donne la chance de travailler avec? J'ai pas bien compris juste au début la phrase que vous dites. C'est une phrase, j'essaie de me rappeler exactement, c'est une phrase qui est citée de vous, c'est que c'était pour vous important de travailler avec une grosse caméra, une caméra Mitchell en 35, parce que ça vous donnait le feeling ou l'impression de vraiment faire du cinéma. Si c'était un plus petit caméra, ce n'était pas exactement la même chose. Je pense que ça date des commencements des années 60. Oui, mais c'était peut-être parce que c'était aussi difficile de travailler avec d'entrer dans l'espèce de tribu qui était le cinéma français. Moi, j'étais en dehors et à l'époque, c'était très comme certains syndicats ou certaines mafias qui sont très très, certains cercles qui sont très fermés. Le cinéma français était comme ça, et si on n'y appartenait pas, si on n'était pas le fils d'un opérateur ou d'un acteur, on n'y entrait pas comme ça. Il y avait des règles, des lois, et à un moment donné, effectivement, le droit, à un moment donné, après un ou deux films, de pouvoir dire, mais je veux tourner avec cette caméra, qui était à l'époque la Mitchell, le symbole du tournage professionnel, si vous voulez, c'était une manière, on se dit, on est entré dans le lieu où on n'avait pas le droit d'entrer. Alors je pense que je voulais dire quelque chose comme ça par rapport au 35. Parce que sinon, moi j'ai toujours été, aujourd'hui plus que jamais, pour tous les moyens, une grosse caméra de télévision ou une petite, et puis un gros magnétophone ou une petite, hein, quelque chose d'extrêmement sophistiqué, quelque chose d'extrêmement amateur. Je pense qu'aujourd'hui c'est même plus intéressant pour ça, parce qu'on peut mieux savoir quel moyen correspond à quoi par rapport à une idée qu'on a. Il y a une idée qui peut être exprimée avec une banale caméra Super 8 et que comme ça. Il y en a une autre, et puis encore ça dépend, je sais pas, des moments, je pense, si c'est une fille ou un garçon, suivant ce qu'elle veut faire ou ce qu'il veut faire, ça sera mieux de servir de la vidéo ou au contraire du cinéma, etc. Je pense aussi qu'il y a peut-être une relation entre le caméra 35 et le grand cinéma commercial, et que peut-être je voudrais vous demander, est-ce que ça c'est important? Je pense qu'à l'ère de tout va bien, c'était encore important, vous avez l'air d'avoir au moins succès dans un certain niveau. Est-ce que c'est encore quelque chose qui, à vous, pour les films que vous produisez maintenant, important pour ta production ou pour votre propre travail? Non, ça je vois pas bien, si vous voulez. Enfin, moi, j'étonne toujours les gens en disant, mais j'ai tous les films, aucun des films que j'ai fait n'a marché. À part la femme mariée, ils ont toujours perdu de l'argent pour leur producteur. Et Donc, je ne sais pas, pour moi, parler cinéma commercial ou pas commercial, je n'ai jamais réussi à avoir ce qui s'appelle un succès commercial qui, à des moments, est intéressant simplement d'un point de vue financier pour le producteur. À des moments, pour moi, ça m'aurait permis d'être un... Enfin, en même temps, je ne le regrette pas du tout parce que je pense que si on a un succès... À la fois, je suis très content que mon premier film ait été un succès culturel, plus que... Enfin non, À bout de souffle était un succès commercial, celui-là, relativement. Mais que tout de suite après, j'ai eu trois énormes échecs, parce que je pense que si j'avais eu un autre succès, puis un troisième, ben, je serais devenu ce que je pense de Truffaut aujourd'hui, justement. Sans méchanceté, parce qu'il y a des lois sociales qui existent, les gens... C'est pas les gens qui sont à Radio-Canada ou à l'ONF, c'est pas eux qui font, c'est Radio-Canada qui les fait. Oui. Monsieur Lozic a dit que dans son cours de cinéma français, que vous étiez un des précurseurs de la nouvelle vague au cinéma français. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas expliqué plus, malheureusement. Ah, je crois pas, on nous a appelé la nouvelle vague. Moi, j'étais ni retardataire, ni précurseur. Pouvez-vous dire ce que ça veut dire, la nouvelle vague, exactement? Ah, ben ça, je sais pas du tout, parce qu'on était... Est-ce que Monsieur Lozic peut le dire? On était un groupe de copains, et puis ça, c'est un moment, je crois, en France, où un journal qui s'appelait L'Express est paru comme quotidien, puis ensuite comme hebdomadaire. Et je crois que lui-même avait forgé le slogan, c'était quand Mendès France essayait de prendre le pouvoir, ou je sais pas, il y a eu un mouvement, je sais pas, que l'Express avait baptisé Nouvelle Vague. Et puis ensuite ça s'est appliqué spécialement à un certain endroit du cinéma qui était nous. Je sais pas comment, je crois que ça s'est fait comme ça. Bien, j'espère qu'on aura une autre réponse au prochain cours de cinéma français. Monsieur Lozic. Merci. Barbu. Jean-Luc Godard, je pense que vous êtes déjà venu au Québec, mais là, ça se peut que ma mémoire fasse défaut. Pour une expérience de télévision au lac Saint-Jean ou à Jonquière, quelque chose comme ça, est-ce que c'est vrai? Non, c'était dans un endroit qui s'appelait... Non, c'était Ruine Noranda ou un truc comme ça. Ruine Noranda? Ouais. Bon, je pense que cette expérience-là à la télévision, ça n'avait pas fonctionné. Pouvez-vous nous expliquer, ou peut-être ça avait fonctionné, mais moi, je pense que les nouvelles qu'on en a eues, c'est que ça n'avait pas fonctionné. Pouvez-vous nous donner les raisons? Je crois que c'était après, si je m'en souviens bien, c'était après 68. Et puis, moi, je commençais à être intéressé par la télévision. Et puis, j'avais un ami producteur ici, français, qui s'appelait Nedjar, qui m'a dit, tiens, je t'ai trouvé un endroit où tu peux faire la télévision, c'est au fin fond du Canada. Et puis, bon, ben, on y était allé. Puis, je pense, c'était entouré d'un... On était un groupe de gauchistes ou de choses comme ça. Puis, on est arrivé là-bas. Puis, je crois que si je me souviens bien, la première émission, le premier jour, je ne sais pas, on avait essayé, on avait dit à, comme tout gauchiste qui se respecte, à ce moment-là, il y avait des ouvriers en grève dans une usine de la région, et puis on en avait parlé, ou on leur avait dit, non voilà, ça s'était arrêté, parce que on avait dit, moi j'avais dit, ben, je ne sais pas faire télévision, je ne sais pas quoi, mais eux savent sûrement. Donc les 10 heures que vous nous avez commandées, où c'était, je crois, une demi-heure tous les soirs pendant 15 jours, eh ben, le comité de grève de l'usine va venir le faire à notre place. Alors ça avait été une panique complète, je crois, du reste, autant pour les ouvriers que pour la direction de la station. Et puis je crois que le premier jour, ça s'était terminé par une bataille de boules de neige. Et puis je crois que ça n'était pas plus loin. Est-ce que vous n'avez pas enregistré? La bataille de boules de neige, je ne l'avais pas enregistrée, ça aurait été bien. Merci. Réal Caouette avait protesté contre sa présence là-bas. C'est vrai. Monsieur, j'ai deux questions. J'aimerais savoir si vous avez évalué ou si vous avez tenu compte du feedback aux 6 émissions que vous avez fait pour la télévision française. Il y a eu les réactions des critiques, mais si vous avez cherché d'autres sources de feedback que celle-là, puis comment vous en avez tenu compte? Oh non, pas du tout. C'est des émissions qui sont passées l'année dernière, au mois d'août, 5-6 dimanches de suite sur la troisième chaîne, c'est-à-dire qui ont eu le plus bas taux d'écoute de toute l'histoire de la télévision française, je crois que c'était. Mais pour nous, ça représente quand même, c'était un taux d'écoute, je crois, entre 0,5 et 1%. Et ce qui représente en France, disons, je ne sais pas, entre 200 et 350 000 personnes. Donc c'est un succès pour vous, c'est quand même mais énorme. Mais ce n'est pas un succès, mais à un moment donné, se dire qu'il y a, et puis on ne sait pas celles qui, comment elles regardent, si elles sont dans leur lit en train de bouffer ou si elles ne regardent pas, puis que le son n'est pas mis, ça on ne sait pas. Donc on se dit probablement sur 300 000 personnes, il y en a peut-être 40, puis la moitié ont dû quitter au bout d'un moment, donc il doit en rester 20 000 si vous voulez. Mais à partir du moment où on a un chiffre comme ça, puis on se dit, il y a quand même, je parle, et puis il y a 20 000 personnes qui sont, à des moments, c'est moins anonyme que ça, si vous voulez. Simplement parce qu'on sait qu'elles sont dans un endroit précis, qui sont chez eux, et qu'on est chez eux d'une certaine manière. Et que comme ce dont on parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, on estime et on croit qu'on parle à des on arrive à les joindre à des moments, à un moment de... Moi j'ai, le seul feedback que j'ai eu, c'est un ami qui m'a dit, qui m'a raconté, je ne sais pas, qu'il avait vu une de ses émissions, et puis qu'il était avec deux autres amis, une femme et un type, qui regardaient, puis simplement que le type, qui n'aimait pas du tout l'émission, mais... En même temps, je ne sais pas, il était devenu un peu hystérique de voir sa femme qui avait envie de la regarder ou qui était, je ne sais pas, un peu, que ça ne gênait pas de regarder. Puis qui m'a juste raconté qu'elle a fait, qui lui a fait comme ça pendant toute l'émission. Bon, moi, c'est le seul point de vue, le seul feedback que j'ai eu une fois dessus, parce que sinon, comment vous voulez en avoir ? Ben justement, c'est une des questions, comment ça fait partie de ma deuxième question, à savoir comment... Oui, mais je crois que ce n'est pas intéressant, parce que vous avez une idée que l'aller, vous avez une idée que le phénomène aller-retour, que ça va de l'écran à la salle, puis du reste c'est ce qui se passe ici, et qui pour moi n'est pas... Bon, comme c'est la réalité, c'est intéressant, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Vous ne devriez pas parler à moi, ou si quelque chose vous intéresse, parler entre vous. Mais dans le cinéma ou dans l'art, enfin, il y a une espèce de perversion, par exemple, qui n'existe pas dans le sport, de copains ou de fanas de football qui ont vu un match. Après, bon, ils veulent bien, peut-être à la rigueur, faire signer un autographe par la vedette, mais ils ne sauraient pas trop quoi lui dire comme ça pendant longtemps. Tandis qu'entre eux, au contraire, ils discutent beaucoup de ce qu'ils ont vu. Oui, mais dans le sport, il s'agit d'une performance. L'athlète essaie d'améliorer sa performance d'après les règles du jeu. Oh non, il y a des jeux, pas forcément. Ben là, il y a aussi des... Dans le système, il y a des cotations. Il y a, bon, ceux qui ont un Oscar, c'est la meilleure performance. Ceux qui ont un taux d'écoute très faible, comme nous, c'est la moins bonne. Mais vous avez certainement des critères plus subtils qui, à ce moment-là, pourraient gagner à un feedback. Oui, mais ce que je voulais vous dire, Kéton, vous considérez que le chemin normal, ça va comme ça à l'aller, et puis après, c'est le retour. Moi, je considère que le chemin normal, il y a que le film qu'on fait est un retour à des gens qui en font d'une manière dans leur tête, mais qui ont choisi un autre métier ou qui étaient obligés de faire autre chose, peu importe, ou qui n'estiment, qui n'ont pas à imprimer ou imprimer un bouquin. Qui n'ont pas à imprimer leur expression, par exemple, ou comme ça. Alors moi, je vois ça plutôt comme un, je sais pas, comme un écran, oui, parabolique, puis qui reflète après, qui revient. Moi, je fournis mon travail, je suis dans le retour de leur aller. Et il peut y avoir une communication. Donc leur feedback m'intéresse absolument pas, car c'est le contraire. C'est moi qui suis le feedback, qui suis leur feedback à eux. C'est le contraire. Et votre question, c'est plutôt, ça serait plutôt, est-ce qu'un film que vous devriez demander, est-ce que ça a quelqu'un d'ici, est-ce que ça a répondu à ton attente, par exemple, et puis quelle était ton attente, comme ça. Moi, je suis pas, Moi, après, on peut me poser des questions dites techniques au sens large. Et là est la vraie critique. Mais à ce moment-là, il y a besoin d'être trois. Deux personnes qui discutent ici, et ensuite une troisième qui est le représentant de ce qu'il y a eu entre les deux personnes à un moment donné, et qui peut, comme il a participé à ça, qui peut donner des explications. Moi, je suis comme témoin de ça. Au niveau de la maîtrise du médium, la télévision, j'imagine que si vous essayez depuis 1968 de vendre des documents à la télévision, vous faites face à des problèmes très précis de censure, d'autorisation et de choses comme ça. Est-ce que vous envisagez la façon dont justement on peut prendre contrôle de la télévision? Ici, on a un cas très particulier, il y a une série d'émissions sur les Indiens qui sont censurées par Radio-Canada, puis il n'y a absolument rien qu'on peut faire. Avez-vous commencé à envisager une stratégie pour pouvoir vraiment passer à la télévision ce que vous voulez? Ah oui, moi je crois que c'est la même stratégie, même à beaucoup plus long terme que des pays colonisés. La colonisation culturelle ou l'esclavage culturel est beaucoup plus difficile que l'esclavage physique, enfin. Et que là, moi, je crois que le cinéma ou la télévision, parce que c'est petit, si on le fait en petit, mais qu'on est plus, à faire non pas à faire la même chose chacun, mais à l'endroit où on est, c'est-à-dire une femme ne doit pas faire la même chose qu'un homme, un ouvrier de Lippe ne doit pas faire la même chose qu'un employé de Radio-Canada, mais ils ont probablement quelque chose à faire, et que s'ils le font là où ils sont, qu'ils veulent changer, ben à la longue, oui. En ce qui concerne le cinéma ou la télévision, c'est effectivement, c'est de faire des... Mon slogan, c'est plutôt faire moins souvent, plus de films. Or, si je suis tout seul, c'est pas possible, mais si on est plus, c'est en faire moins souvent, mais en faire plus, parce qu'il y a plus qui en font moins souvent. À ce moment-là, c'est de tout autre film, et on se pose les problèmes aussi un peu... il faut se poser un peu autrement, sinon on s'en sort pas, puis on est, comme vous dites, ben on peut rien faire. Comme il reste encore un quart d'heure, là tout le monde sera limité à une question. S'il vous plaît. Ce serait juste pour savoir comment vous êtes arrivé au cinéma. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé... Comment quoi? Vous êtes arrivé à faire du cinéma. C'est par un cours ou par choix ou par un moment donné? Vous aviez dit tout à l'heure à 30 ans vous aviez commencé? Non, j'ai eu envie d'en faire, mais je ne m'en souviens plus comment ça s'est passé. Très bien. Je crois que je fréquentais un ciné-club qui s'appelait le Ciné-club du Quartier Latin à Paris. Puis petit à petit, j'ai rencontré une ou deux personnes qui étaient Rivette, je crois Truffaut, ouais, Romain, enfin les ceux dont on a parlé, et qui eux avaient très envie. Moi, j'étais pas très fixé, mais je veux dire, après tout, j'ai entendu ce mot plusieurs fois, puis j'allais voir des films, puis petit à petit, j'ai préféré voir des films, des pièces de théâtre ou des concerts, comme mon éducation m'avait appris. J'allais assez souvent au concert avant, comme ça, j'aimais bien ça. Puis petit à petit, je me suis mis à me spécialiser dans le cinéma. Puis après, puis finalement, j'ai eu envie d'en faire, ou je sais pas quoi, mais pendant 10 ans avant de réaliser vraiment un film, je sais pas, ça m'a pris 10 ans, de 20 à 30 ans, ce qui est assez... Aujourd'hui, je crois que les gens commencent un peu plus jeunes, qu'à des moments, peut-être, il y a plus de femmes qui en font, ce qui, vu là où elles en sont, même si elles sont, si c'est plus âgé, c'est quand même plus jeune que par rapport à autrefois, ou qui font un peu de réalisation, de choses comme ça, puisqu'avant, le cinéma, c'était uniquement devant la caméra, comme actrice, qu'une femme pouvait commencer jeune. Puis ce sera juste une petite dernière question. Qu'est-ce que vous pensez en général du cinéma québécois, tu sais, au point de vue... Je connais pas. Non. Je connais pas. Je crois que j'ai vu les premiers... J'ai vu un ou deux films de Lefebvre, un film de Gilles Groulx, mais il y a longtemps. Je connais absolument pas. Ben, qu'est-ce que vous avez pensé de ces films-là? À l'époque, j'avais bien aimé le film de Lefebvre que j'ai vu, je me souviens plus ce que c'est. Ah... Et puis j'avais bien aimé le film de Gilles Groux, qui s'appelait je crois Le chat dans le sac, mais à l'époque. Monsieur Godard, je m'excuse, je suis un peu grippée. J'aimerais savoir le film que vous avez fait, que vous avez le plus aimé et pourquoi. Et pourquoi vous l'avez aimé? Moi, je trouve tout aussi bien de trouver celui-là un peu con, si vous voulez, que de bien aimer un autre. C'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que je l'ai produit, par exemple. Mais le résultat, je trouve, est un peu ou un peu bêta, je sais pas comment dire. Par contre, il y a des bouts de film que des moments où je trouve l'appréhension, je trouve, est un peu. Aujourd'hui, je me sens plus proche de ce mouvement-là que d'un autre. Je me sens plus proche de un peu de masculin-féminin ou de films comme Les Carabiniers ou deux ou trois choses que je sais d'elle que de films comme À bout de souffle ou Pierrot le fou qui m'apparaissent comme assez étrangers, c'est-à-dire où l'élément dont j'ai l'impression d'avoir été un écho est beaucoup plus fort que moi-même sur des films comme Pierrot le fou et À bout de souffle, du reste qui sont des films qui ont un certain succès d'estime encore aujourd'hui, si vous voulez. J'ai le sentiment, enfin je sais pas, pour le dire, que votre part est beaucoup plus grande que la mienne. Et ça me gêne, je trouve. Il y a un rapport qui n'est pas très, très démocratique, si vous voulez. Tandis que dans un film comme vous allez les voir, peut-être comme Ici, ailleurs, qui sont... par exemple, des films comme Lutte en Italie ou British Hand, ça, c'est inverse. Le rapport est trop en... Et du reste, ils sont fatigants à voir. Et avec raison, on dit que c'est trop difficile ou trop intellectuel. Mais là, le rapport est inversé en notre faveur et il me gêne aussi comme ça. Tandis que des films comme les derniers, Ici, ailleurs, ou Comment ça va, ou comme ça... Je trouve que là où et deux ou trois choses qui étaient déjà ou des choses des films comme ça, je trouve là qu'il y a un rapport plus démocratique. C'est-à-dire, c'était difficile pour moi de les faire et c'est difficile pour vous de les voir. Bon, mais c'est tout n'est pas rose tout le temps. Ok. Bon, une question à trois points à propos d'une femme mariée. J'aimerais savoir pourquoi vous l'avez appelée fragment d'un film fait en 64. J'aimerais savoir si c'est une femme mariée ou la femme mariée. Et j'aimerais savoir aussi si, à l'époque où ça a été tourné, on accordait, dans les autres films, une place aussi grande à la publicité que vous l'avez fait, ou si c'était vraiment à l'époque considéré comme quelque chose de très neuf et comme un peu dérangeant pour le public. Alors, fragment d'un film... Je ne sais pas, parce que c'est des fragments, c'est des bouts de film mis bout à bout. Il n'y a pas de... J'aime mieux le présenter comme ça, comme... c'est-à-dire, je ne sais pas, dire c'est incomplet, c'est pas complet, c'est pas bouclé, il n'y a pas un début, un milieu, une fin, c'était ça. Puis tourner à l'époque où vous avez dit, c'est parce que ça avait été tourné à l'époque, c'est le... Je sais pas, c'est... Ça me semblait que si on retrouvait un jour ce film-là, c'était bien qu'on le retrouve dans 2000 ans, en pied détaché, qu'on puisse dire, tiens, voilà des bouts de film tournés en 68, peu importe qui les a fait, puis que ça donne... Je voulais, c'était pour accentuer, pour un peu le présenter plutôt comme une enquête un peu ethnologique, quelque chose qui est une manière de faire ou une enquête scientifique sur un sujet. Numéro 2 est un peu comme ça aussi. Oui, mais alors est-ce que c'est parce que vous avez coupé dans un Ah non, pas du tout. Non, c'est non ça, on a c'est... fabriqué des morceaux, ouais, et puis ça. Ensuite on dit, tiens, on les projette ensemble. Ouais. Et puis on appelle ça... Alors moi j'avais appelé La femme mariée, et puis, je ne sais pas pourquoi, il a eu des ennuis avec la censure. Et pourquoi, justement? Je ne sais pas du tout. Ah, c'est ça qui est intéressant. Il faudrait, c'est le ministre de l'Information à l'époque était Perfit, Alain Perfit, celui qui a écrit ce bouquin de la Chine, qui a beaucoup, sur la Chine, qui a beaucoup de succès. Bon, puis qu'il l'avait interdit carrément. Et je sais qu'après, il y a eu une vision privée par Pompidou qui l'a autorisé, je ne sais pas. Mais à condition de transformer là en une. Il y a eu quelques coupures et puis ils ont dit plutôt que l'appeler la femme mariée, il faut l'appeler une. Ah mais c'est très important ça. Oui, bah, j'ai dit je suis très content, c'est comme ça que je voulais l'appeler, donc ça tombe très bien. Bon, et à propos de la publicité, est-ce que vous avez une réponse? Non, là, je ne vois pas. Moi, j'ai toujours été... J'aimerais faire des films publicitaires. Je trouve que c'est les seuls films intéressants à faire, la publicité. Mais là, je veux dire, parler d'un produit, parler d'un train, parler d'une nourriture, parler d'un moyen de transport. Mais si moi, je les faisais, je serais plus que censuré si je fais un film... qui dit la vérité sur, peu importe, sur General Motors, ou sur comment General Motors fabrique une voiture, qui est ce qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, l'activité des mains et des yeux, et c'est ça les films. Après, on peut raconter des histoires, mais il faudrait commencer par ça. Alors je pense que, mais effectivement, nous, on ne peut pas en faire. De même qu'un film industriel, on ne peut pas, parce qu'on pourrait dire du mal. Même un film, on devait faire un film sur le pétrole pour l'Algérie, mais même l'Algérie et nous, on peut pas, parce qu'il fallait obéir à une ligne. Alors moi, je dis, je veux bien obéir à la ligne, mais avant d'obéir à la ligne, je veux faire l'enquête avec vous, si vous voulez, puis vous verrez qu'il faudra travailler, il suffit pas de dire « dites que ». Et puis après... Ça se peut très bien que votre ligne soit juste, mais si on fait l'enquête et qu'on dit votre ligne, votre ligne n'en sera que plus forte du reste. Et puis c'est là qu'on voit qu'effectivement qu'ils ont peur. Je veux dire, moi j'ai toujours aimé le principe, sinon les films de Flaherty que j'ai beaucoup respecté.